Earth, Wind & Fire sur RGM, un peu plus de 8h38, on parle anniversaire. Ils sont nés un 25 juillet 1934, naissance de Claude Zidi, réalisateur scénariste français qui a réalisé Les Bidas en folie, Les Fous du Stade, La Moutarde me monte au nez, Les Bidas s'en vont en guerre, L'aile ou la cuisse, La Zizanie, Les Soudoués, Inspecteur, La Bavure, Les Soudoués en vacances, Banzai, Les Ripoux, qui lui a valu d'ailleurs le César du meilleur réalisateur et le César du meilleur film, Ripoux contre Ripoux, Astérix Obélisque contre César, ainsi que Ripoux 3, et scénariste des films Promotion Canapé et Ma Femme Me Quitte. 1951, naissance de Jacques Legros, présentateur téléjournaliste français qui présente notamment les 30 histoires les plus extraordinaires et les 30 histoires les plus mystérieuses. C'est également l'année de naissance de Verdin White, bassiste américain du groupe Earth, Wind & Fire. 1958, naissance de Pierre Slade, journaliste sportif français qui a présenté pendant de nombreuses années l'émission Stade 2. 1961, naissance de Catherine Kelly Lung, actrice américaine connue pour son rôle de Brooke Logan Forrester dans la série télé Amour, Gloire et Beauté. 1963, naissance d'Olivier Chiabodo, animateur télé français. 1965, naissance de Ileana Douglas, actrice américaine vue dans Les Affranchis dans le rôle de Rosie, Les Nerfs à Vif, Une Bouteille à la Mer dans le rôle de Lina Paul et apparue dans les séries Ugly Betty ou encore Grey's Anatomy. 1966, naissance de Linda Lemay, chanteuse québécoise. 1967, naissance de Matt LeBlanc, acteur américain vu au cinéma dans Charlie et ses drôles de dames 1 et 2 dans le rôle de Jason Gibbons, mais mondialement connu pour son rôle de Joey Tribbiani dans la série télé Friends. Et il y a eu la série dérivée qui s'intitulait Joey, tout simplement. 1969, naissance d'Éric Judor, humoriste, acteur, réalisateur français qu'on a connu grâce au duo comique Éric et Ramzy que l'on a pu voir dans La Tour Montparnasse, Infernable, Double Zéro, Les Dalton dans le rôle de Joe Dalton, Seul Tout, Neuilly sa mère, Halal, Police d'État, Les Nouvelles Aventures d'Aladin dans le rôle du génie, rôle qu'il reprendra d'ailleurs dans Aladdin 2, sortie prévue dans quelques temps, hein. Ça approche, hein. On peut déjà voir des bandes annonces. Vu également dans La Tour de Contrôle Infernale, Hibou, Problemos et les séries télé H et Platane, dans laquelle il est d'ailleurs acteur, réalisateur et scénariste. Réalisateur du film Seul Tout, aux côtés de Ramzy. Il y a réalisé également La Tour de Contrôle Infernale ou encore Problemos. 1974, naissance de Laurent Kérusoré, acteur français connu pour son rôle de Thomas Marcy dans la série télé Plus Belle la Vie. 1975, naissance d'Isabelle Blanc, snowboardeuse française qui aux Jeux Olympiques de 2002 à Salt Lake City a remporté la médaille d'or en slalom géant parallèle. Au championnat du monde de 1999, elle a remporté l'or en slalom géant parallèle, l'argent en slalom parallèle. Au championnat du monde de 2001, l'argent en slalom parallèle, l'argent en slalom géant. En championnat du monde 2003, l'or en slalom parallèle et en coupe du monde de snowboard, vainqueur de la coupe du monde en parallèle en 2000 et de la Coupe du Monde en slalom géant en 2002. 1980, naissance de Diams, chanteuse française. C'est également l'année de naissance de Valérian Sauvplane, tireur à la carabine français qui compte une médaille d'argent au championnat du monde. 1985, naissance de James Lafferty, acteur américain, apparu dans la série Deuxième Chance, mais on le connaît surtout pour son rôle de Nathan Scott dans la série Les Frères Scott. C'est également l'année de naissance de Sandy Scordo, karatéka française, qui au championnat du monde compte 2 médailles d'argent, au championnat d'Europe 3 d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. 1990, naissance de Nasser Bouani, cycliste sur route français, champion de France de cyclisme sur route en 2012, vainqueur de 3 étapes, du Tour d'Italie en 2014 et 2 du Tour d'Espagne 2014 également. C'est également l'année de naissance d'Alexiane Castel, nageuse française qui au championnat du monde petit bassin compte une médaille d'or, au championnat d'Europe grand bassin une médaille d'or et en petit bassin, une d'or et une d'argent. En 2005, naissance de Pierce Gagnon, acteur américain vu au cinéma dans Looper ou encore à La Poursuite de Demain et à la télévision dans la série télé Les Frères Scott dans le rôle de Logan Evans ou encore dans la saison 3 de Twin Peaks dans le rôle de Sonny Jim Jones. En 2003, décédé John Schlesinger, réalisateur britannique de Marathon Man ou encore Macadam Cowboy. En 2013, décédé Bernadette Lafont, actrice française,

Mer, titre de Linda Lemay sur le 107FM. Un peu plus de 8h48, on fait un point météo. La météo. Alors, on aura encore une belle journée ensoleillée, même s'il se pourrait qu'il y ait quelques averses de pluie à prévoir aujourd'hui. Des températures comprises entre 20 et 21 degrés ce matin, entre 30 et 32 degrés cet après-midi. Pour jeudi, journée ensoleillée également, des températures comprises entre 18 et 19 degrés le matin, entre 31 et 33 degrés prévus pour demain après-midi. Et pour vendredi, ça augmente encore, hein. On passera encore une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 20 et 21 degrés et entre 31 et peut-être même jusqu'à 34 degrés prévus pour vendredi après-midi avant que ça se gâte peut-être pour la journée de samedi. On en reparlera bien évidemment. Allez, on fait maintenant un point sur l'actualité sportive. Les résultats sportifs. Et on parle bien évidemment cyclisme avec la 16e étape hier du Tour de France qui a été remportée par Julien Alaphilippe, sa deuxième victoire sur ce Tour de France. On se souvient de lui, il était venu d'ailleurs à Radio Gemozo, ça commence à dater maintenant. Il faisait partie de l'équipe de l'Armée de Terre, il avait participé à un cyclocross à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Et bien il enchaîne les victoires ces derniers temps et donc la deuxième victoire sur ce Tour. Défait de course hier notamment. La course qui a été neutralisée au kilomètre 29 suite à une manifestation d'agriculteurs, ou encore la chute spectaculaire du coureur belge et coéquipier de Julien Alaphilippe, d'ailleurs Philippe Gilbert, dans la descente du col du Portet. Alors malgré sa chute spectaculaire, il s'en sort bien, il est touché au genou gauche, c'est pour ça qu'il ne prendra d'ailleurs pas le départ aujourd'hui, mais ça aurait pu être très grave, hein, donc voilà, il se porte plutôt bien. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la 17e étape entre Bagnères-de-Luchon et Saint-Lary-Soulan, 65 km seulement, mais il faudra eh bien grimper une montée de première catégorie. Il y aura un sprint intermédiaire au kilomètre 27,5. D'ailleurs, le maillot vert sera sur les épaules de Peter Sagan à Paris. Ça y est, c'est mathématique. Il s'est assuré le maillot vert hier, donc s'il rallie les champs, eh bien, il aura son 6e maillot vert. Et il faudra également gravir un col de première catégorie aujourd'hui. Allez, on parle maintenant tennis avec le tournoi d'Hambourg et la qualification de Gaël Monfils en 3-7 face à Cecchinato, 6-4, 3-6 et 6-4. La qualification de Richard Gasquet en 2-7 face à Benoît Paire, 7-5 à 6-3. L'élimination de Moutet en 2-7 face à Dominic Thiem, 6-4, 6-2. Et l'élimination de Gilles Simon en 2-7 face à Montero, 7-6, 6-2. Aujourd'hui, Monfils affrontera Maillard. À Atlanta, Jérémy Chardy s'est qualifié en 2-7 face à Berankis, 6-4, 6-3. Et à Moscou, aujourd'hui, Alizé Cornet affrontera Sigmund et Pauline Parmentier se reposait à Sevastova. Et un petit mot de football avec Antoine Griezmann, Kylian Mbappé et Raphaël Varane qui font partie des 10 nommés pour le titre de meilleur joueur de l'année. Et pressenti pour le titre de meilleur entraîneur, pas trop de surprises, sont nommés Didier Deschamps et Zinedine Zidane, entre autres. Allez, c'est tout pour l'actualité sportive. On va maintenant marquer notre dernière pause musicale avec Diams et son titre La Boulette. Alors ouais, je me le raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, il fait trop tard dans l'hôtel. Alors ouais, je me la raconte, ouais, je déconne. Non, c'est pas l'école qui m'a dicté mes codes. On m'a dicté mais le rap, voilà de la boulette. Sortez les briquets, sortez les briquets. Y'a comme un goût de haine quand je marche dans ma ville. Y'a comme un goût de gêne quand je parle de ma vie. Y'a comme un goût d'aigreur chez les jeunes de l'an 2000. Y'a comme un goût d'erreur quand je vois le taux de suicide. Me demande pas ce qu'il épouse à casser des vitrines. J'suis pas la mairie, j'suis qu'une artiste en devenir, moi. J'suis qu'une boulette, me demande pas si j'ai le bac, j'ai que le rap et je l'embarque, je l'embrasse. Je le macar, je l'embrasse. Y'a comme un goût d'attentat, comme un goût de Bertrand Cantat, comme un goût d'anthrax pendant l'entracte. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mômes. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, génération, non. comme un goût d'alcool dans les locaux de police, comme un goût de peur chez les meufs de l'an 2000, comme un goût de bœuf dans l'oxygène qu'on respire. Me demande pas ce qu'il épouse à te casser les couilles. Je suis pas les secours, je suis qu'une petite qui se débrouille, moi. Je suis qu'une boulette, me demande pas si j'aime la vie. Moi j'aime la rime et j'emmerde ma rime juste parce que ça fait zizir. Comme un goût de bad boy, comme un goût d'agapone, comme un goût de hardcore, hardcore dans les écoles. Y'a comme un goût de foulette, foulette chez les mots. Comme un goût de boulette, boulette sur les ondes. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Alors ouais, on déconne, ouais, ouais, on étonne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non, génération, non, non. Y'a comme un goût d'église dans l'inceste et dans l'enfance. Y'a comme un goût d'Afrique dans les caisses de la France. Y'a comme un goût de démé des magots dans la bouche de Sarko. Comme un goût de Michto près des mères. Diams sur RGM, presque 8h56, c'est déjà l'heure de se dire au revoir, ça passe vite. Mais avant de se quitter, un petit point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui à 9h, Regarde ailleurs. À 16h, 90 minutes pour Boomerang. 18h, L'heure des loups avec loups, consacré à la bergerie des chalots. À 21h, ce sera soit Vincent, soit François en rediffusion. Et nous, on se retrouve demain matin, même heure, même endroit. Et excellente journée à tous.